أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينحيانكم عن لحوم حمور أهليتي فإنها رجس متفق عليه وعن عمري بن خريشة رضي الله تعالى عنه قال كتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنا وهو على رهيلته ولهابها يسل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب إزالة النجاسة وبيانها وعنه رضي الله تعالى عنه قال أي أنس بن مالك رضي الله لما كان خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها تسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه kon ñaari hadith yi mom lañu wara jang manam mom tambal nañ ko suñu jotay bi weso la xam nga won na ci wara manam war ko sharh ak fiñu tollon ci budul maram min adlat al-ahkam kon hadith bu ñëkk bi ci lañu duggon manam waxon nañ hadith yi groupe bi nan lañ ko tudde da hadith bu ñëkk bi dafa ne sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu dafa ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne khaybar bisu khaybar lama kana ana wa anhu radiyallahu anhu anu jël na ci mom radiyallahu anhu anno qala mu wax ne lama kana bi nga xamantene ñewon nek yawm khaybar bisu khaybar amara rasulullah yentu yalla bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam amara dafa digel aba talha وسيدنا أبو طلحة رضي الله عنه فنادى مداد ووته دادي واخ داني لان ان الله نك يالله دي نك بور يالله ورسوله اك داوم لي صلى الله عليه وسلم ينهيانكم نيغ نيغي لين دي تير عن لحومي تي لا اديو تي ياب الحمر مبام الاهليه كو جوكري مانام مبام سوف manam ba wolof mbam suf lay wax arab day wax al-humurul ahliya di xamu do al-humur al-insiya al-himarul ahliya al-himarul insiya mune lutax mune fa innaha naka mom mbam yi manam wala bok yap bi rij sun sobele muttafaqun alayhi hadith muttafaqun alayhi wala dat bobu gis nañ ko bisaf wala legui benen mo anama do kharija amru ibn kharija radiyallahu anhu muné onna waqala dafa wax na khatabana rasulullah khatabana khutbal nan rasulullah ndaw yalla sallallahu alaihi wasallam biminan ci minan manam moy jouru acc mo biñu sanni jamra muné wo wo fek mom ala rahlatihi ming ci taw war wayam walu abuha lu abuha manam moy ay tuflitam yasilu ñi ngi wal ngaan ala katfaye ci sama mbag bi akhrajahu ahmad hadith bi imam ahmad rahimahullahu ta'ala moko solo wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahimahullahu wa sahhahahu imam at-tirmidhi bi moko solo pare da ko wër kon ñaari hadith yi mom lañu nek di jang ci jamono bi kon ñu gis ne bo xolé ñom ñaar ñu bok moy dañuy waxtane ci li nga xamantene mom moy ñi nga xamne ñom ñoy bayima yi ak li nga xamantene mom moy rogalat di tukke ci ñom ñu mëna xam lan moy sobe ci ñom ak lan moy ci lu sobe comme niñ ko waxe ci suñu jotaay bi wessu ci hadith yi inshallah dinañ ci jangale buñu yexé ci masala fiqh yi dinañ ci jangale yan bayima ñom ñoy yi nga xamantene da na sobe wu ak yi sobe wu yan bayima ñoy yi nga xamantene dagan nañu lek ak yi nga xamantene daganu ñu lek dinañ ci jangala tamit lepp lo xamantene dafa tukke ci ñom lu demé nek ñom ñen ndaxita ñom tuflité ñom xaxtandiku ñom ñak ay ñak ak seen ay lepp lo xamne dal lu wadé ci ñom lu am ndax dëng ak lepp lo xamantene dafa tukke ci ñom ñom yoyep kon dinañ ko gis inshallah taala ba ci yi nga xamantene dañu jëmmé ci ñom comme yu démé nek ay ñom nem yi ak yu aju ci mbir mom inshallah taala dinañu def li ci aju ci walu teqantam inshallah taala gis ci lan mo ci sobe ak lan mo ci bul sobe waye fi ñu tollon ci suñu jotaay bi wessu moy a hadith bi mu ñëk bi lañ tollon té hadith bobu liñ fiñ ci tollon mom moy gis nañu li nga xamantene mom moy takhrij bi gisoon nañu takhrij bi la ju ci takhrij bi manam ñan ñoko solo far lañ ko solo ñeneen ñan ñoko solo ñu dul ñoo ñu et cetera légui ci suñu jotaay bi inshallah dañuy tambali ci baat manam baat yi nga xamantene mom moy ñoo ki ci suñu hadith bi kon muna an wa anu jele nañ ci mom manam kon tu jele nañ manam solo nañ ci mom hadith bi comme niñ ko gisse won manam dañ ko soloé ci sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu ci cialal yi nga xamantene mom lañu tuddo kon daf ko netti sayyidina anas radiyallahu anhu dafa netti wax bi parce que façon solil façon jele wi dafa am ay façon maintenant bokku na ci manam façon bi gëna général moy dañ na rek jëlé nañ ci diw manam on a rapporté deux mais parfois façon biñ koy rapporté day wouté mais façon bi nga xamanteni mom moy bi gëna siiw ci sahaba yi radiyallahu anhum bu koy def ak sen talibé mo nekkon di waxtaan manam di wax ñu dégg bu ko tawé ñoñu tamit netal wala ñoñu tamit dam tok ci jotay jang la ko kon façon bi nga xamantene mom la manam mom moy façon solo no hadith bi ci muhammad ibn sirin radiyallahu anhu mom moy hadathana kon hadathana manam anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mo netali jeul ci sayyidina ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mais mom li mi netale nak anhu radiyallahu anhu kon yalla geureum ko radiyallahu anhu baat la bo xamne nam lu mi tekki moy rabbiya yalla geureum allah radiyallahu anhu ci mom mais mën na tekki aussi rabbiya geureum na allah radiyallahu anhu ci mom manam donc day tekki ñaanal day tekki affirmation baat la nak bo xamantene de manière générale ñi nga xamantene mom lañ koy wax mom moy dañuy jël baatu luñu tuddé azza wa jalla wala ta'ala baatu ta'ala wala azza wa jalla dañ koy jaglél borom bi subhanahu wa ta'ala wala baatu subhanahu wa ta'ala wala bok jalla wa ala wala bok tabaaraka wa ta'ala yoyep borom bi lañ koy wax manam kenn du wax kenn du wax sayyiduna muhammad ba para dan azza wa jalla dedet kenn du ko andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam azza wa jalla lumi tek moy magna tedna te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam deug yalla magna tedna andak lolu kenn du ko djel baat bobu djokko azza wa jalla yenenti bi rek sallallahu alayhi wasallam non borom bi bok lañ ko wax subhanahu wa ta'ala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko djaglel baatu sallallahu alayhi wasallam wala bok alayhi salatu wassalam manam yalna julli ci mom te selmal ci mom andak ne baat bobu du rek manam yenenti bi lañ koy faral di wax wala yenenti alayhi salatu wassalam dañ len koy waxal wala malaikat manam buñuy faral di wax sax ci walu yenenti alayhi salatu wassalam buñ ne comme par exemple sayyiduna ibrahima dañ nan rek alayhi salam souvent mais meuneuf na wax alayhi salatu wassalam meuneuf na wax sallallahu alayhi wasallam lolou meuneuf nako wax mais de manière générale dañ ko ko jaglel dañu jaglel baat sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñeneen ñi ci def ñu nan rek alayhi salam yalla muccu nek ci mom comme ni nga xamantene non la alquran waxe wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya noko moy sayyidna yahya ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam neena yalna muccu nek ci mom wala jam sax dak ci mom bis bi nga xamantene ci la gane aduna bis bi nga xamantene ci la genn aduna ak bis bi nga xamantene def nako dekkal mudu ndat manam yawmal qiyamah kon yenti Allah Isa alayhi salatu wassalam tamit lol la waxon wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya yalla jam sax dak nek ci man bis bi nga xamantene man ci la gane aduna ak bis bi nga xamantene ci la genn aduna ak bis bi nga xamantene ci lañ may dekkalat mudu ndat kon lolu yeb manam motax salamun ala nuhin fil alamin tamit lolu la alquran wax manam muccu yalla sax dak nek ci yent yalla nuh alayhi salatu wassalam ci mbolam minde fi ak salamun ala ibrahim manam muccu yalla sax dak nek ci sayyidina ibrahim alayhi salam ak salamun ala musa wa harun han muccu yalla sax dak nek ci yent yalla musa alayhi salam ak harun ak salamun ala ilyasin muccu yalla nek ci sayyidina ilyasin alayhi salam manam ñoom ñep dañ gis am salatu wassalam ci alquran ni mi waxe donc borom xam xam yi rahmatullah alayhi ngir wutale yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak yenenti alayhi salatu wassalam ñu jëlal yenenti bi buñ ko tuddé mom ñu wax sallallahu alayhi wasallam wala ñu wax alayhi salatu wassalam amma ñeneen ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu dul mom ci yenenti ñu wax rek alayhi salam wala ñu wax alayhi salatu wassalam tamit dinañ koy di faral di wax leg leg tamit ñu gis ci formule yi nga xamne mom la yent ci ñu borom xam xam yi rahmatullah alayhim di faral di jëfëndiko moy ñuy wax ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam wala ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam manam yalna ci suñu yenent bi yalna nek ci suñu yenent bi ak ci mom mi ñu tuddu manam yenent mom ñu tuddu afdalus salatu ngeen di julli wassalam ak salam kon ala kulli hal yeb ay formule yu mëna utiliser ci yenent yi ak ci malaika yi mais buñu ñëwé nak ci yenen nit ñi keneen ku dul ñom duñu faral di jëfëndiko lool leg leg nak mu am ñennet ci nit ñi manam baat bobu du ne dafa haram ci keneen ku dul yenen yi wala yenen yi assalam tekki wul ne dafa haram ci keneen ku dul ñom mais limi tekki moy manam ñooñu lañ ko jaglél ba nga xamanteni bu ñu leen tuddé ku xamul sax da na mëna xamné ki ñu tudd kat ab yenente la motax ñu daali waxti mom waxin wi lool mom motax ngay gis suñu wax ci leg leg comme buñ waxé luqman alquran tuddu nako dañ nan alayhi salam andak du yenente comme buñ waxé sayyidna khadir andak né ñi même ñi nga xamantene japp nañ né du yenente té manam té lool moy tamit li gëna wër ci wax di han alayhi salam lañ wax sayyidna khadir alayhi salam amna nak ñuy wax khudar wala yoy mais dapt bi moy khadir khadir moy dapt manam moy vocalisation khadir wala du khudar wala bon leg leg ci ñun wala fi dañuy wax dañuy amna ñuy wax sax ci ñun khular mais lool likoy indi moy da fekk ne ñun da nañu wax ba Voilà. C'est ce qu'on parle. Mais, à la coulée, Aïda... Donc, kon ñom dañuy faral di kon yoyu mom moy pour yenenti yaalay musallatu sallam ak ñen ci ñi nga xamantene ay ayan lañ manam ay jëm yu rañékal comme sayyida maryama wa alayha salam lañ wax voilà leg leg tamit ñen ci ñi nga xamantene ñom ñoy wa keur yenenti sallallahu alayhi wasallam dañuy wax alayhi salam ci seen bir comme ku melne sayyidat fatima dañ wax alayha salam wala sayyidna abdullah mu dom yent ni alayhi salam al qasim atina alayhi salam leele dañ koy wax wala sayyidna ali dañ ko beral ba karramallahu wajhahu wa dañ ko beral ba karramallahu wajhahu moy yalla teral na jëmum ji wala teral na xar kanam wala musul su jotelal mom comme sayyidna abou bakr radiyallahu anhu musuñu su jotelal xeurum ba pare sayyidna ali ci kaaba gi la juddou ba nopi sayyidna ali am burna dal ay mbir yuko yu musul nan sangara par exemple wala comme sayyidna abou bakr radiyallahu anhu sayyidna abou bakr ku kemane la ci façon manam ku doy war la ku yeme ngom parce que mom mbolam yi gaay daan def ci jahil yemu musti jaar yi daan def ci periode pré-islamique sayyidna abou bakr musti jaar ba pare mom rek mo am ci sahaba yi radiyallahu anhum fam yeb nek julit mom rek ko am kenen kudul mom am nga sa mbokk budul julit sayyidna abou bakr radiyallahu anhu kesse mo am fam yeb nek julit papa yaaya soxnam yeb domam yeb et cetera manam ñiko wër da ñep nek julit voilà ñep nek julit kon mais sayyidna kon ali karramallahu wajhahu dañ koy beral baat karramallahu wajhahu sahaba yeren yi ci dess yep dañuy wax radiyallahu anhu yalla na yalla contante wala bok yalla contane na ci ñom ndax yalla ci bopam mo déclarer lolu ci ñom donc meun neuf nako wax en tant que mu lolu baat bop lañu tarabbi manam tarabbi la tuddu manam meun neuf nako wax ngir tektele ne yalla contane na ci mom mais meun neuf nako wax ngir rek mu nek ñaan yalla na yalla contante mu manam yalla nako yalla gëreum niki nonu ñeneen ñu dul sahaba yi dañ leena beral baatu rahimahullah yalla nako yalla yëreum mais leg Voilà, on va tenir à son tour. voilà donc deng legui kon sahaba ki leg leg ab sahaba ñu tuddu ko ne rahimahullah keneen kurul sahaba ñu tuddu ko ne radiyallahu anhu lol tamit day am mais dañuy faral di beral baat bobu sahaba yi radiyallahu anhum leg leg nak ñu wax ko keneen ko xamantene bokku ci sahaba yannabi sallallahu alayhi wasallam ngir distinction bi mu am ci bir ñeneen nit ñi de manière générale ngir distinction bi mu am ci ben ñeneen nit ñi de manière générale voilà comme yenn wali yu mak yi maga mak lay lay ñu tuddu len wax radiyallahu anhu te fekk bokku ñu ci sahaba yi sallallahu alayhi wasallam comme par exemple lay rek ñu tuddu ku melni imam malik wala imam ash-shafi'i au lieu ñu wax rahimahullah ñu wax radiyallahu anhu mais il faut que koku non manam ci anam giñ koy waxe mu nekké no xamantene amul équivoque ak ambiguïté kenn ki bokku ci sahaba yi salam parce que lolou hein non comme voilà mais d'accordé wul batay même lolou am ci sax d'accordé wul ni wax ko mais istilah la manam terminologie le bu borom xam xam yi adopté ci sen bir hein bu borom xam xam yi adopté ci sen bir di wax lolou manam ki li lañuy wax ci mom ki li lañuy wax ki li lañuy wax voilà maintenant motax ñaanal manam wax ni ñu tuddu ku mëna doon ñu wax radiyallahu anhu ci bir julli ni lolu daconté wul manam lolu du lo xamantene lu nuy téré la tamit sauf que baqi sallallahu alayhi wasallam manam dañ ko wara deglel dañ ko yenté bi alayhi salatu wassalam amma baqi radiyallahu anhu def nako wax ki wax ñeneen ñi manam def nako wax ab sahaba def nako wax ku sahaba waye lu ci ëpp nak sahaba yi lañ ko beral ñeneen ñi ci dess rahmalahu lañ wax wala alayhi rahmatullah wala yumel non lu tekkale ne dañu ñaan borom manam yermande ak yalla nek ci mom leg leg bu fekente ne kuy dundula dañuy faral di wax hafizahullah yalla nako yalla sam leg leg nak mu nek lo xamantene dañuy dem ba manam wala yenn yu mel non ayyadahullah yalla nako yalla jappal wala ra'ahullah yalla nako yalla manam sam dans le sens orienter ko manam wala hein dans le sens guider ko wala wala yu mel non moy comme ni sam kat yi di def wala sam bobu donc lolou yep day nek banal faut prendre avec la main droite faut boire avec la main droite quoi boire faut boire mais avec juste la main droite voilà deng deng lolou kon lolou mom moy de manière générale li nga xamantene mom lañu fa wax mais lolou daconté wul tamit ak kuy dundu ñu jëf ci ko baat radiyallahu anhu même parfois ku dund ñu wax rahimahullah mais yalla nako yalla yeurum mais souvent ku dé lañ koy wax manam ku dund yalla nako yalla yeurum souvent voilà c'est vrai que gis ngeen ni mu marqué ci point bi non la wara marqué ci yeneen point yépp la voilà parce que gis nga terminer le show yoyu heureusement que borom xam xam yi rahmatullah alayhi teurel nañ ko parce que gis nga suñu ko teurelu mo da nga ci gis ko xamantene dañu tuddu serigne mo amul azza wa jalla voilà donc lolu deug leg voilà legui donc lolou mom moy leg kon lolou ci gattal manam mom moy aju ci terminologie bobu non ak te xantal yi ci ñu ci faral di def ci borom xam xam bi rahmatullah alayhim legi kon mu ne an ahnu radiyallahu anhu annahu qala ne dafa wax ne lamma ba nga xamantene kana nek na yawmu khaybar bisub khaybar manam kon yawmu khaybar moy bisub khaybar lamma day tekkel tout temps ben circonstance manam buy wone ne li kat jamono ji la xewé voilà li kat bam xewé jamono ji moy lorsque voilà lorsque moy li kat hein à l'occasion de voilà deng kana bamou nekké kon kana bi kon mbir la bo xamantene dafa xew manam luy tekkel lu wessu la lool mo xewon muna yawmu khaybar bisub khaybar yawmu ci arab day tektele bis manam moy liko dalé manam ci suba ba suba manam fajar ba fajar delu ci wax lool mom moy yawmu moy bis moy 24h mais leg mu tektele ben période manam leg mu baña tektele rek ben beus mais mu tektele ben période deng période bobu mom moy comme masalan buñ nan ayyamud dunya bi ci aduna yi manam moy période yi nga xamantene am nañ ci bir aduna wala bok ñu ne yawmul akhir bis bu mujju bi wala bok hein ndax bis bu mujju bi du bis motax yentibi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe waxat ko le fait que mu wax ci hadithu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam manam hadith bobu siwe hadithu jibril alayhi salatu wassalam ne biñ ko laaje lan moy ngeum dafa wax ne ngeum moy al iman mun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi manam muneko ngam mom moy nga gem yalla manam kon yalla ak li aditum ci ay tout melo et cetera yawm ki malaikati malaika nga gem len kutubihi terimi nga gem len yep wa rusulihi yanati nga gem len alayhi assalam wal yawmil akhir ak bisbu mujju bobu nak mu wax après ci ñu ci ñew muna wal qadar ak ndogal khairihi dogal bu bax bi wa sharrihi ak dogal bu bon bi yep nga gem ko ni ci yalla la jubbu mais fiñ doon jublu ci bisbu mujju bi ñi ci jublu ne mi ci jublu période bi nga xamantene lolu moy liko dalé ci nit ci bu génné aduna ba kérok muy nek bir aljana wala bir safara ba abadan lolu yépp bis bu mujju bi la manam lolu yépp benn bis la lolu mom motax ngay gis jour yi nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala wax né ci le bindu soufsi na ci tata ayyam yoy jour yoy nonu du jour comme suñu jour même bu fekkantene dañuy wax altiné dañuy wax dimanche altiné talata ba aljuma mais du jour comme suñu jour tolul comme suñu jour légi lolou mom motax comme niko alquran tamit di waxe wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun benn beus fa sa borom gis nga yawmu lako tudde benn beus fa sa borom mu ngi tolo fi ni ci yeen jooni at manam 1000 ans ci ni ngeen di konté mu am mais lolou non mom moy benn côté manam lolou mom moy ba ci benn groupe ci ay malaaka ñu tuddé malaaykatu takbir lolu motax mu ne yadabbirul amra minas samaa'i wal ardi minas samaa'i ila ardi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin manam mom ñoy sopandiku mbiri takbir moy sopandiku administration voilà ça veut dire donc mom borom subhanahu wa ta'ala mom moy administrer toute l'autorité autorité bi wala les commandements voilà ordre bi commandement yi ci bis la koy def mais bis bobu liko dalé ci asamanu souf yépp commandement yépp administrer nako ci té mom moy dako ci administrer moy lan ci bis bi moy asam manam mo ngi tolok jouni at 1001 yeen ci ni ngeen di xamé konté donc 1001 ci la administration bi yeb effectué donc mais c'est parce que malaikatu tadbir ñom fiñu nekk la kanta malaikatu yi nga xamné ñom ñoy malaikatu muqarrabuna yi ñi nga xamné ñom ñoy way jégen yalla deug ñom bis ci ñom ak ñun duñ ben tamit lool mom motax borom subhanahu wa ta'ala dadi wax ne ta'rudu al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malaakai manam malaakai ak ar ruh dañuy yek dem ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala manam ci proximité manam ci qurba manam motax ñu le malaikatu muqarrabuna parce que ñom dañu jégué yalla dañu nek dans la proximité han ñom ci benn bëss lañuy joggé fi yek ba fofu yek ba fofu moy lan mune fi yow min ci bis bob kana miqdaruhu bo len ko don natale yeen ak fi yeen mi ngeen naté moy 50 alf sana donc moy 50000 ans manam kon lool moy la lool période la tuddu motax bis kon day tekki période tamit kon day tekki bis bi ñu xam kon ñu récapituler day tekki bis bi ñu xam day tekki période leg leg ñu wax bis fek liñ ci djublu moy beccëk loolu mom moy buñu ko comparer ak goudi nan yawmun wa layla beccëk goudi ak beccëk comme ni muy ñëwé ci hadith yu bari han voilà moy beccëk fek beccëk rek lañ ci djublu bu boba limuy lambo bis bi limuy lambo moy bu fajar gi xaré ba timisto manam ba jant bi so lool moy bes moy jour et la nuit comme d'ailleurs même français day wax lool jour et la nuit alors que xamnañ ni ben jour moy 24 heures en même temps voilà donc day lambo kon lool non tam manam kon bis bi ba ba wa moy fajar gi lay tambalé par contre fajar gi lay tambalé balan ba jant bi so kon lool mom moy lool tamit day tek bis kon amna ñaata ñet voilà bi tek 24 heures bi tek période ak bi tek la journée voilà amna benen mom moy jouru manam événement nan événement sangam dañ koy wax jour ap événement dañ koy wax jour mo xam événement bi matna beus wala matul beus wala bok événement bi ay beus yu bari lan motax alquran ne wa yawma hunain iz a'jabakum kasratukum ak wa yawma badr di wax yawma ukhud manam bis bo nga xam ne bisu badar ak bisu ukhud ak bisu hunain ak yu mel non alors que événement yoy nekkunu won bis mais dañ koy tuddé bëss rek dañ koy tuddé événement lég lég sax nga gis ko ñun wona ci sax dañ koy wax tay mom sama bëss la ma ay té pourtant mën na nekk né ci ben ngon rek la xew bi amé mais nga tuddé ko bëss sama bëss la voilà donc bis légui nak yow mu khaybar kon ci cadre bobu lay dugg événement la bo xamantene dafa amé ci digënté 24 jours mais yow mu khaybar rek lañu wax bisu khaybar kon xaré la bo xamantene yenenti bi sallalahu alayhi wasallam daf ko xaré mais mu nekk ci bir 24 jours yo xamantene moy 24 fois 24 heures voilà mais dañuy wax bisu khaybar rek kon événement bi muy wax sayna anas radiyallahu anhu limi netele bune ci bisu khaybar la amé limi tek moy ci event ci moment bobu la amé ci période bobu la amé lolou lay tek manam événement bobu la amé khaybar nak ab dëkk la bo xamantene dafa sori madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ci côté nord bi ci kaw boy jëm sham non ay côté siri 260 km. 100 km ak juroom ben fuk. Kon lolu la foré medina khaybar bat la bo xamantene yewori ñoko tuddé khaybar man bat la bo xamantene bat na ci yewori limi tek ci ñom moy tata tata mo xesn moy dagalé ka xat fortress voilà fortress tata wa tata wa donc fortress la voilà deng ñom ñoko tuddé ñokon khaybar la tudd parce que ñom en fait ben fortress ay fort d'ailleurs du ben fortress que c'est ay fortress yu bari bari la yo xamantene mom lañ amone bon ba paré maîtriser won ko bu baax et puis sen tol yek yoy fa la nekkon souffle so xamantene tamit mbay mi dafa daan dox mbay mi dafa daan dox bu baax yewodi nak ñom ñofa dekkon agwa ban na deur biñ fu joggé man ban na deur tam ci yewodi la bi yenen bi sallallahu alayhi wasallam jenné ci seen keur xam nga medina fu mëna wara ñett dekk ñett bu yewodi ñofa nekkon ñett tribu ci ay juif ñofa nekkon dafa amone banu nader am banu quraiza am banu khayruqa donc ñom ñet motax bo xolé madinatu munawara ala sahina sallallahu alayhi wasallam jamono yentibi sallallahu alayhi wasallam bimu fay ñew da ngay gis dekk la bo xamantene en fait do fekkon ñom ñu installé wu fa ba pare ba am fa ay tribu mais comme ñom la leen fa indi won moy dañu dégg ni xamone nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam falay gaday fe ñom bañ ko xamé ñu daldi téla dem déplacer pour ñom bu yentibi sallallahu alayhi wasallam yexé ñu mëna and ak mom xex ak yefiri ñom d'ailleurs dañ ko dan wax voilà dañ ko dan wax nan sa yu yeen da ngeen ñu fonto mais be tok leen rek yeenent muju jamono leg mu ñew bu ñewé dinañ and ak mom xex leen yeen lool lañ dan wax yefiri voilà mais motax yefiru wa medina biñu déggé ni yentibi manam biñu démé ci akabat yi manam di ci foire yi di ci yentibi sallallahu alayhi wasallam moy mawasini di tassé yentibi sallallahu alayhi wasallam di woté ñu xamé ko xamné ci jox ak critère yow di doon wax motax ñu bokku na ci li tax ñu téla jaayante ak mom voilà ñu téla jaayante ak mom mais yowuri tamit bok na ci li nga xamantene mom lañ mësona japp yaakar ko moy ne ci seen biir lay juddou donc le fait que ñu japp ne ci seen biir lay juddou ñu japp ne medina fofu manam comme ko falay gaday c'est donc ñom ñu ñew téw pas peuple su ko defé bobu mo la juddou seen biir mais dafa am paramètre bu len reçon touti moy ne malgré que yentibi sallalahu alayhi wasallam falay ñew mais mom gane wu fa aduna makka lay gane aduna et que benen paramètre bi leen surtout paramètre bi leen gëna recc sax moy le fait que xam ci doomu sayyidina ibrahim alayhi salam lay bok mais problème moy bokul ci doomu israël manam yent yalla yaquba alayhi salam mais ci doomu yent yalla ismaïl yi li gënni lool moy paramètre bi gëna mag bi leen reccu bi nga xamantene mënu ñu ko won calculer benen bi ci def nak mom moy ñom biñu ñëwé nek lañ fa ñett témir ya 300 ans lañ fa nek wa 3 siècles en tout cas yo xamantene dañ doon xamb nono gi nga xamantene mo nekkon digënté aws ak xat rek ndax medina ñett ñaari ñaari xet ñoo fa dekk ñaari fa ko manam ñoo fa ciosano de souche les medinois de souche ñom ki lañu aws lañ ak akhaz rek voilà ñom nak seen mam benn nit mo leen jur benn jigen mo leen jur manam seen papa yi ñoo wuté aws ak akhaz rek mo ñoo wuté motax ñu tuddé leen non mais ñom fa lañ dekkone maintenant nak xex buñ daan andal yehudi buñ dan ñew comme ñoom na nek ay borom yi xam xam dañ leen daan wuulu mais ñoom dañuy wax ne dañuy dox diplomatie mais en fait kenn ku ci nek da am ño faral après ñuy xam ci biir nek ci biti ñoom ci ginnaw di xam bu affaire yi ci souf legui bu defé gaay di xéxanté du len dara mu jé té ko ñom ñu né han changé wul voilà non lañu mësa mel legui biñu défé affaire bobu nak yentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñom ñu bañ na duñ ko top dañu bañ yentibi sallallahu alayhi wasallam amna rapport bu rafet ak ñom mais nak ñom tout le temps dañ japonne ki buñu bayé message am jall ki buñu bayé message am jall limu ñu yakal dafa reuy parce que ñom dañu am projet yo xamantene projet bobu fi rempliruñu ko duñu mëna maam duñu mëna fiix duñu mëna am jamm moy dañu bëgg ben empire bo xamantene empire bi Israël lay tudd empire pas riw hein empire bu tudd Israël bo xamantene Euphrate bi lay nek lay jugge ba Nil ha Euphrate bi ba Nil donc digeunte bobu hein digeunte bobu il faut ñom ñu mom ko totalement yor ko voilà légui am nañ sen empire te yentibi sallallahu alayhi wasallam ni mu ñëw ak message bi mu indi lool du manale lool mom du manale voilà manam projet bobu faaw ñu faté ko voilà lool mom motax ñu bañ né faaw dañ koy xex benen bi ci dess mom moy dañu japp ne comme ñom ñoo gën yenen ñi ci dess manam parce que ñom xéet nit la ñoo xamantene yalla da leena tan ci kaw mbolam yenen nit ñi donc ce qui fait que ni c'est impossible wala en tout cas inconcevable inacceptable voilà bo baat bobu inacceptable que keneen di fi ñew wara nek sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam ku bokku tek suñu deret té pourtant ay domi badjé domi ndialé ay domi ndialé voilà mais non lolou c'est inacceptable comme que mirmi non la démé nak dañ koy xéx ba mom mu joggé fi limi wax du fi taxaw wala ñun ñu jéx voilà wala ñun ñu jéx voilà bon lolou mom motax yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam même bu nekké medina bayi leen fa ak jamm ak lepp ñom tout temps dañ doon xex de l'intérieur même donc di joxe ay plan fenen ak fenen lolou yalla nabi sallallahu alayhi wasallam jëlé len fa parce que sinon affaire du mën dox parce que bu doon rek daño tok bëgg dundé ñëpp jamm am et cetera yalla nabi sallallahu alayhi wasallam du len laal mukk jamm rek lay sékk ak ñom mais kum ko ñom bëgg ñu won lolou té tout temps dañuy wut keneen kuy manam dañu nekk di def manam yéféru makka yéféru ñu fénen gaay bu ñu groupe coalisé motax ghazwatul ahzab xanda ñom ñoo non seulement ñoo leen joxone information yi mais aussi ñom j'avais tout fait pour xex bi tourner en faveur de ñom manam ñoo lekkon service secret bu mag bi en fait espoir yu mag yi ñom la won Mossad voilà Mossad banno fi aussi ñom ñoo yoral man dañ doon dimbali aussi gaay voilà ba paré dañ dan wax yeen sa xam non t'inquiète fi ku fi ñew dekk bi suñu dekk la on est citoyen medina gis nga bul inquiété wu ci dara képp ku la laal laal nangam bon donc yoyu yépp da dan meen sa xam xamone na ni ñom dañuy wara lool mo motax finalement bi tax bi ghazwatu ahzab jexé mu jëlé leen fi ñom ñep gënë leen dem leen parce que gaay aussi près de 12000 combattants quand même ñu jigé fu nekk ñew attaquer ci yenté bi sax ñom xamuñu won nu ñu def budul won manam yalla mom mo inspiré sayyidna salman al farisi radiyallahu anhu mu joxe won stratégie bobu non ne comme medina deuk la bo xamantena fek way montagne deuk wul bamou dess ñaar ben walu bu def ni rek walu bobu rek leg lañu bay xat ki quoi xandax mu ne ñun affaire bi xandax lañ daan def quoi ñun temps perse ñun gis nga ñun fele ñun lay perse wala moy tranché nga xamantena dañuy gaska bu xaw sori ni bo xamantene buñ ko gassé après gaay bu ñëwé pit manam gawar yi bu ñëxé duñ mëna traverser bu ci dëkk bi voilà sauf que ñu liñu bayyi moy benn buntu bu ndaw bo xamantene koy dugg ci mëna dugg ci jël mëna jël té ko lool du leen permettre Seydina kay kay kay on met ok voilà bye bye pour le tour voilà deng legui lolou mom kon ñom hein legui mo ñom ñom lolou mom motax doonu ñu won meuna dugg en masse kuy yema dugg tamit par benn benn ngeen dugg ci dëkk bi wala nga nga te ñoo ñu neex la ñoo lu jënd voilà donc voilà ba yalla def ci lim ci def motax nak mu dakk le nak mu genné len motax bamu paré rek daf ni takusan mu ñepp jullé takusan banu ko rek mu dem banu ko rek mi jënt dé après mu li jënt ñi gis ñepp dem banu nat ñom ñepp mu li jënt len la wala banu nat nak ño daw dem xapalé Khaybar ñom biñu démé dem Khaybar fekk nañ fa seeni mbokk yi parce que mbokk yow di ño fa nekkon aussi légui bañ len fa fekké gaay ñom dañu ñu won tamit di préparer aussi nan lañuy défaré armée bi nan lañuy amé ay combattants ak armée yu doy pour mëna délu ci wat pour mëna lijeenti wa jullit ñi ben yoon bu bonne fois pour tout yeen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ngoy yegge mu gennu nak dem Khaybar mom tamit motax xaré Khaybar bobu mi ngi amé ci li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wa khum mun al imam ibn ishaq imam al waqili rahmatullahi alayhi wa khum wa tamul mundu wa taba jippo jippo wa jippo wa ta ah d'accord ko jodo wala kon jodo jodo deng wa ding ah wa ni def am na ko xara ko bu magge rek comme ni ñu mëna wax ak mom bu fekke de wax ñu jaag du couleur fokk ñu jaag ñun ñepp couleur bu ko defé su magge ñu mëna waxtaan ak mom deng kon mu kon yeenti bi sallallahu alayhi wasallam du demé Khaybar bi mi dugg ci manam dañu dem mu yoni Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu mu ko yonne abbad ibn bashar bo dañuy teunk xey kristal bi radiyallahu anhu mu dem tasak ben kaw kaw mu ne kaw kaw bi me khaybar kagn nga fa joge khaybar lan moy sen xabar ndax am nga ko mu ne non man yaguma fa joge bi sank yaguma fa dara mais gis nga ñoon mu ne ko am nañu dañu dem fexé ba am ak ratafan lañ dem coaliser ak ñom ñu jox leen ay dundu mu roy jox leen ay arme yu reey yu bari bari am nañ lu tollo 10000 combattants fi mu tollo gis nga te ba pare sen subski liñu mëna dundé jamono ji subsistance bi ñu am bu ñu togon atatu lëmm ñu embargo leen mën nañu tok di dundu sen biir sans ñu am ben problème am nañ provision yu doy ba pare sen xex kat yu tamit ñoñu ak armes yi ñu yar ak sen nombre de combattants yi ñoñu mom xamna ni tawakkal fofu waaw fofu lolu fa nek abbad ibn bisr da jël yar bi dur dur ko waj dur ko dur ciow ko wax ne ko daga ma wax deug ma duma la baye yow mi dama gis ne kenn nga ci sen gaay dañ la ñom ñoo la yoni pour wax na la buñ tassa jaw buñ la laaje affaireu Khaybar nga ga joxe information bi pour titre muna ko waaw deug la kene deug mo waaw sa fara ke gaay ki wuñu waaw yoru ñu dara gaay sa ñu fofu rek ko abi wala mais ñom ñomo waxon lolu tamit wala ci mo en fait wala mu wala wala moy lool parce que lool foko deug wa intox bob wala wala sinon gaay luñu ki quoi fokk nga wax né amna armu sang amna bo len wax sang len mo ngeen xol wala tek yo ay naxé mbay la wala légui ci la yentibi sallallahu alayhi wasallam dem dugg ci ñom ñom nak biñu dem motax biñu doon dem ñom ñep dañ doon wax ci kaw Allah subhanallah Allahu akbar di wax ci kaw yent bi nak sallallahu alayhi wasallam ne arba'u innakum la tad'una asam yeen o ni ki ngeen di wo wax len arba'u ala anfusikum wax len dank parce que ki ngeen di wo han wo len ko xamantene defu tax wala ghaiban innakum la tad'una asman wala ghaiban ki ngeen di wo nekul ku tax nekul tam ko xamantene ko absenté la voilà manam borom subhanahu wa ta'ala ngeen di wo bi nga xamantene ci lay dem di dugg ci dekk bi mune allahumma rabb as-samawati wama azlalna wa rabb al-ard wama aqlalna wa rabb ash-shayatin wama adallna wa rabb ar-riyah wama dharayna inna nas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi wa min sharriha wa min sharri ahliha wa min sharri ma fiha iqdamu bismillah yalla bi sallallahu alayhi wa sallam wax joju nak mu wax daanu ko wax ke ci circonstances yoyu mais sa yu dugg ci dekk bu nek lolou la daan wax daftar wax nan allahumma yow bur yalla mi ci turi rafet ak melay yekati ko rabb as-samawati yow yow nga xamne yaay borom asman wa ma azlalna ak lepp li nga xamantene ñoom tim nañ ko diko kera wa rabbal ardi ak yow nga xamne yaay borom suuf wa ma aqlalna ak li aradina manam jurum ñaari suufi wa ma aqlalna ak lepp li nga xamne yanu nañ ko wa rabbar riyah wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna yow yi nga xamantene yow ya yow yaay borom shaytané wa ma adlalna ak lepp li nga xamne sank nañ ko wa rabbar riyah yow yi nga xamne wa ma dharayna ak yow yi nga xamne yow yaay borom ngaraw ni ak lepp lo xamne dañ ko yobale dañ ko rombu yobale ko inna nas'aluka ni ngi lay ñaan ni ngi lay laaj khayra hadhihi al-qarya ngeneel gi nek ci ngeneelu dekk bi ni wa khayra ma fiha ak ngeneelu manam li bax li nek ci bir dekk bi manam baxu dekk gi deja baxu li nek ci bir dekk bi ak baxu wa dekk bi wa khayra ahliha wa khayra ma fiha donc baxu wa dekk bi manam lepp lu bax te nek ci wa dekk bi rek lat ñu ngi la koy ñaan lat tamit ak lepp lo xamantene tamit mo nek ci bir dekk bi wa na'udhu bika min sharriha ñi ngi sak ci yow muslu ci musiba manam lu bon li nga xamantene mom moy bon bonu dekk bi wa sharri ahliha ak bon ak lu bon te nek ci wa dekk bi wa min sharri ma wa sharri ma fiha ak li nga xamantene bon la lepp le lu nek ci bir dekk bi après mu dal ni akadamu bismillah ayo dugg len nañ dugg ci tour yalla mu dal ko bismillah ben lolou kon mom moy lolou moy yentibi sallalahu alayhi wasallam lolou la wax te lolou tamit ñaan la gu am solo bo xamantene kep ku dugg ci benn dekk am dekk bobu mu meuna doon manam mu ñaan gogu wa yow ala yow Allah borom asmani am li nga xamantene mom lañu wa ba ñaan gi jeex Allahumma rabb as-samawati وما أظللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا إنا نسألك ولا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقرأ الله بسم الله يندب تدكي wala deug na legui biñ duggu se nak bon ci gattal ci lañu duggu ci parce que ay tataay yu bari ñoo fa nekkon ay forteresse yu bari ñoo fa nek mais forteresse par forteresse ci lañ duggu ba am ndam bi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ba ba da 3 minutes la timis wala borom bi subhanahu wa ta'ala kon def xewal bu reuy ci xare bobu bok na ci xara yi nga xamantene dafa bari lol aussi donc ci 24 jours la xara bi am sayyidna abakar radiyallahu anhu ñu ko do jox raaya gi sayyidna abakar bi mu deme xex mais gagnewul manam munul ubbi dekk bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam dana jox raaye bi suba ko xamantene yalla da ko bëgg mu bëgg yalla ah rajul yuhibbu allah wa rasuluhu wa yuhibbu allah wa rasuluhu dina ko dox nit ko xamantene goor go xamantene yalla da ko sop mom yeen tib sallallahu alayhi wasallam yeen tib sallallahu momit mu sop yalla yeen tib sallallahu alayhi wasallam bimu ko waxe ñom ñep ndeysaan kenn ku ci nek bëgg mu nek yow parce que lolu c'est un grand honneur immense privilège ouais privilège voilà bimu xeye mu ne ana sayyidina ali Allah munako laaj len leen nañu top nañu sédéné amul bénn bubul man la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam suñ ko nango rek paré nga ci ñom manam amatu lo droit songu len sen dérèt ak sen alal yépp dañ leen daabé dañu daalé haram ci yow manam do am droit la ko luddul ci benen ak bo xamantene yalla teurul nako bi nga xamantene nak ci la wax lolu mu yent ki munako nak la an yahdiyallahu bika rajulan wahid khayrun lak min khumurin nam yalla nak la fekk mu gindé ci yow demal mais yalla gindé ci yow kenn nit kessé mo gën manam luy xonk manam xonk moy gilim yu mati manam wala bok ci benen rewa min ma tabara lay sam ci lepp lo xamné na jant bi ci lepp lo xamné na jant daf ci fenk voilà lepp lo xamne wala kon manam moy alalu aduna yep buñ ko dajale yalla djel manam a travers yow ben nit rek djubé ci mo gon wala donc ci xaré bobu pour teunk inshallah buñ djulé paré yegg lako mais ci xaré bobu ci la xew xew bi nga xamantene mom lañu nek ci suñu hadith bi ci la xew xew bi amé wala inshallah xamna buñ djulé da du بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كن في اليمن إن شاء الله مويتي دونك خاري خيبر بي li nga xamantene mom la yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu joxe sayyidina ali karramallahu wajhu raaya gi mu dem ubi dekk bi comme ni wax mu dem tok dekk bi bi mu deme donc mu borom subhanahu wa ta'ala def ci xewul bu yaatu ba nga xamantene ghanima gu bare bare lañ am parce que khaybar lol bok na ci comme ni alcorane don wax parce que biñu démé sulah al-hudaybiyya en fait khaybar ci li ëpp ci borom xam xam comme niñ ko waxé rahmatullah alayhi mi ngi amé ci juroom ñaarelu at ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam manam ci muharram ci jeexitalu muharram bi borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté nañ ci mé li ëpp ci borom xam xam loolu lañ wax ku mel imam ibn ishaq ak imam al-waqidi rahmatullah ku melni ñaari imam yu mag yi imam az-zuhri wala bok imam malik rahmatullah alayhi ak serignum bu mag imam az-zuhri rahmatullah ñom dañuy gis ne ci juroom benelo adirané wala 6e ane bi mais lolu amna ay borom xam xam yo xamantene rahmatullah dañ ko jema lekkale moy dañ gis ne en fait ci fan lañu tambalé datation bi lolu rek mom la wuté gi am mais sino kon bi nga xamantene lañ mëna wax moy ton ci juroom ñaarelu at bi la am muy 7e ane ginnaw gadda yam sallallahu alayhi wasallam ci wër muharram manam moy wër tam xarit bi xare bobu nak biñu démé ba nga xamné ubbi nañ ko lu né lañ fa fekk manam alal ju bare bare bare lañu am ñu dajale ko ray nañu lu tolok jurom ñent fukk ak lu tek ci yahudi mam ci wa khaybar manam 90 ak lu tek 93 environ kanta ci julit ni ñom ñaar fukk ak lu tek ñoo ci genn aduna une vingtaine ñom ñoo ci genn aduna xare bobu nak manam bok comparé manam nga xol ak li nga xamantene mom lañ ci amé ci ay 13 ci ay butin voilà moy maranim lu bare bare bare ndax am nañ ci ay jour gu bare am nañ ci manam ay arme yo xamantene lu bare bare la ni ki nonu ñi nga xamantene japp lañ leen def leen jam tamit am nañ ci ñu bare bare bare ni ki nonu yannabi sallalahu alayhi wasallam dafa xajale 36 xaj manam la xajale butin yi yo xamantene xaj bu ci nek mu am ñu xajal ko téméri xaj manam mu nekkon 3600 ci ay xéti xaj yo xamantene amon na ci alal ji nga xamantene mom mo fa nekkon bi nga xamantene tamit jël nañ ci tamit ci butin yi bokkon na ci ay tawrat manam moy seen livre sacré bi ñom yahudi yu bare bare bare mais biñ ko lajaté yeen saw sam daf leen ko delo voilà manam nga gis né ci bo xolé côté bobu manam doxalen bobu wouté nak ko xamantene buñ ñëwé dañuy lak bibliothèque bu gaay voilà manam patrimoine culturel bi voilà mu yak ko ko ñu day gis né wouté na trop ak ni wax né civilisation les civilisations modernes comme niñ koy waxé ni ñi doxalé wala dañu gis xam nga bo xolé comme récemment bon lool nak dans le passé aussi dans l'am dañu gis gaay buñ dan dem di attaquer comme buñ dan souvent juif yi lañu paral di wax exemple buñ lan den attaquer ni dañu gis ay sen théorie sen bibliothèque dañ koy gis dañ ko dan lak mais récemment def nañ bon d'ailleurs defuñu ko julli ni que récemment mais Andalousie hein defon nañ len ko voilà defon nañ len ko ma am na ay théorie yu bare bare bare bare lak na ci voilà am na théorie yu am solo yo xamantene jamono ji manam ben lañ won ci histoire comme Musnad Baqi ibn Makhlad bi rahmalahu mais légui nga xam dañ nga dara déssou ci ñam ay téré yu am solo sax yo xam ni lepp lañ lak ñi ki nonu récemment bi américain yi démé Irak tamit sen bibliothèque lañ ko lak voilà d'ailleurs bok loolu lañ jëk def loolu lañ jëk def da ngay gis buñ duggé ci bénn peuple li ñi jëk def moy patrimoine culturel surtout yi nga xam ni mo aju ci mbindi téré yi yoy lañ jëk lak ñu ndik di faire disparaître parce que lolu soko disparaître soko so fexé ba amu nekatu fi rek moy jël nga fi civilisation voilà moy jël nga fi civilisation ndax xam xam bi dan téy civilisation bo nga fi jël yent bi nak sallalahu alayhi wasallam daf leen ko delo wat sen tawrat yi ñu yoro bi nga xamantene kon xare bobu amna niki nonu ci ñi ci xare bobu ci lañu jappé walé won ci soxna yiñ jappon bokon na ci sayyida safiyyah bint khuyay ibn akhtab radiyallahu anha mu soxna yantim sallallahu alayhi wasallam ci khaybar bobu lako lañ ko jappé won da amna ben jour mu ne parce que yantim sallallahu alayhi wasallam parce que en fait dhiyat al kalbi lañ ko ndokor dhiyat ibn khalifat al kalbi radiyallahu anhu mom lañ ko ñëkkon sédde am kenn ku ñëw na yentim sallallahu alayhi wasallam yi soxna ci ku dafa bok ci ñi gëna tedd ci ñoom té ni mu mel ni dal sangala ci ñoom li gëna yey dal moy yow nga jël ko ci la ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam nango gis rafet lool kaddu gogou djel soxna soso del jox ko benen ken benen jambu jigen voilà jox ko benen jambu jigen ba paré nak proposer safiya ne ko radiala ne ko daf lay daf dama lay gorel suma la gorelé gorel gi mala gorel moy nek tamit sa tian gi mala také voilà parce que bu ko mu nanguko mais bi nga xamantene biñu juste genn Khaybar Safiya manam yannabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene ci la bëggoon tambali ciet gi daf ni ko dédé nañ dem ba ci karam biñu démé ba soré nak ba soré trop mu doga nangu mu ne ko lutax mu ne ko parce que dama xamné gaay dañu doy war quoi lolu sama bokk yi dañu doy war quoi voilà manam pexé bu né mën nañ ko teural parce que yannabi sallallahu alayhi wasallam bi Khaybar aussi ci lañ ko doon posté lañ ko posoné aussi posone bobu ñu dégg ci jour Khaybar ci lañ nako lañ ko teural lañ niki nonu au départ oui parce que en fait non lay démé xam nga xex xex bu amé dañuy jël képp kuñ ci japp comme prisonnier sula nexé ñu def la esclave voilà sula nexé cas adverse mu def la esclave donc statut esclave dañuy radio mais aussi ci xare Khaybar ci la benen acte bi amé moy acte le fait que jigéenu esclave buñu jappati buñu xëss ba japp duñu manam nit ki buñ ko fekké mu ëmb ki nga xamne mom moy kiko mom sangam du mëna joxé ak mom parce que dafa ëmb niki nonu benen acte bi ci la amé tamit ci jouru Khaybar bobu ci la amé ci manam ci xaré ay Khaybar manam buñ né jouru bisu Khaybar manam moy xaré bi événement bi ci la jigen buñu xëss ba japp tamit masalan su fekente ne ëmbul tamit manam nit ki du mëna à part de jour bobu d'autre manière ñew rek commencer joté ak mom aussi il faut que mu xaar manam ba wër mu lèr ko ni ëmbul manam et puis tamit roxam mom set manam moy su gisé mbaxam mu gisé mbaxam ba mbax bi set boba bu ko nexé mu joté ak mom mais lolu motax lolu acte bobu lolu mom lañuy attel képp ko xamantene parce que ñaari acte kessé mom mo am edda yenen yi ñaar yurul ñaar acte yoy rek amul edda ben wèr daf ci def sañu ke ben wèr acte bu lolu mata bayi xal la tay fimu tollu bu amé ben way bo xamantene dafa nekk ak ben soxna dafa nekk ak ben soxna ñom ñaar ñep ñu d'accord ci né manam dañuy fo comme ñu koy waxe pour que dañuy fo buñu démé bañu war leen mayé fekk ñu nekkon par exemple nga fekk masala tay nga fekk ku dëkk ak soxna benn soxna comme ni ñu waxe concubinage mu dëkk ak mom nga bëgg leen mayé do ñew rek mayé leen parce que ay concubin lañ maam na ñom ñoo dëkk par contre suñ dul ay concubin lool mëno ci teural benn acte parce que dëkkuna mais buñu dëkké li not moy ne teuduñu nonu rek di lelaw c'est ah voilà buñu déme ba sen gentillesse mënu leena may ñu baña bok fiñ dëkk gi nonu manam kon li not ndort gi moy lool ci kaw lolu dañuy daal teul benen acte ci sen kaw moy dañ leen di wax ne légui d'accord comme que mbir mi ni la démé dañuy am ben wèr bo xamanteni mom lañ leen di baye ndaw si manam du mat sax wèr mais ala kulli hal mu gis mbax ba set bu boba ñu maye leen mais edda délai bobu nga xamanteni mom moy am buñuy bobu ci ñaar lam dafa am ci manam ki nga xamantene borom keureum dako wacc bobu tamit nya bobu tamit ay cadre figure la cadre figure bu ñeek bi mom moy borom kërëm bimu koy wacc musul joti ak mom manam musuñu wit manam may nañ ko ndaw ci comme par exemple ñu mayé kenn ñu am ku ñu mayé kenn ki mi ngi dëkk Lyon ki ci dess mi ngi dëkk Paris kenen ki di ñom ñaar ñep durant biñu nekké par exemple tok nañ ay wër yo xamantene ki nekk Paris demul Lyon ki nekk Lyon demul Paris té ñom ñaar ñep kenn gënul sa dëkk kon dañuy xamné jotté wuñu wala bok même buñu gënné dëkk bi occasion yi ñu tassé yep wétuñu bu boba li nga xamantene mom moy am moy bu passé amé ci digënté bobu du am edda amul edda amul délai ñaarel bi mom moy benen côté benen benen cas de figure bi mom moy légui nak joxé amna mais bobu tamit ay cas de figure la bobu ñetti cas de figure la cas de figure bu ñëkk bi mom moy su fekkenté né ndaw si dafa am manam dafa jottu te gis mbax parce que dafa xalewé lol wala bok mu dem ba wessu fu muy gisé mbax manam ñaari kat ñaar yoyu ben cadre figure rek manam moy nekul ci jamono du muy gisé mbax bu boba ñetti wër lay xaar edda ñetti wër lay doon benen cadre figure bi ci bir ñetti cadre figure yoyu mom moy ndaw si eumb bu ndaw si eumbe sa yu wosini bis bi mu wosini ci la edda bi jeex manam tay bu fekkene ndaw si dañ ko wacc may ko batam legi ci minute bi ci teggu mu jur do moy edda jeex na waji dotu amuti delai de retraction bobu amuti temps bobu muy ñew dotu amut amuko par contre su fekkentene dafa ëmb dans un an et demi la am dom dans 3 ans la am dom wala ci minute bi ci teggu ci la am dom ñoyam délai bi fofu lay yam moy bis bu amé dom bu wosiné bis bu wosiné kon lool mom moy deuxième cas de figure troisième cas de figure bi moy ndaw si eumbul ba pare mi ngi gis baxam manam periode bi mi gisee baxam jamono joju mi ngi ci bir manam moy jamono ji amna dispose predisposition yi mi gisee baxam bu boba ñett yoon lay gis bax su gisee bax ñett yoon set moy lan la moy rek do bi jeex donc lolu mais lolu moy ben lolu yeb do yeb dafa dugg ci ben cadre figure manam cadre figure yi ñu tuddu yeb ay sous parti lañ ci ben fa parti moy kiñu wacc kiñu may batam legi mu dess benen cadre figure moy ki jëkërem genn aduna koku ñaata lay top 4 mois 10 jours bu toge 4 mois 10 jours mais ci wéru lan wéru hein wa wéru wala calendrier lunaire voilà voilà ah parce que ñun sax wér lañuy wax worof wér manam allusion à la lune wér lay wax manam le mois wér lay wax donc amul C'est la même chose ou non? Hein? Parce que VR, oui. En moyenne, 30 jours. La plupart du temps, 30 jours. Parce que l'année, 360 jours la 360 jours ci bis 12 mois ñu bari dañ fo contraire ñu bari dañ fo ne wer 29 jours mo upp li am dedet li upp li am moy 30 jours mo upp li am parce que le année bi 360 jours la ci bir 12 mois d'ailleurs boko defé 30 jours la lay dox mo ra ñu bari dañ fo le 29 jours joté rek wer wi dina après normalement dañ wara gis wer wi alors que non li upp li xew ci 30e jour bi lañu gis wer lool moy di li gëna bari li am voilà donc sou voilà kon wer kon lool la manam sharia mbolam atté yi ñi wax té diko at ci temps bi ci wer ci mois lunaire bi motax ñu wax calendrier lunaire bi motax ñu wax yi ñi at yépp té diko at ci calendrier lunaire bi tax ñu wax calendrier solaire bi taxul ñu wax ba mu dess ci ñaari até kessé ñaar kessé moy exception wa insta bi sax ñi genn ci gis na do ñi voilà ñu ki ci parce que am nañ tari ñaari cas de figure kessé lañ dul bayyi xel calendrier lunaire ñu bayyi xel calendrier solaire ñaa bu ñëkk bi moy suñuy bay kat yi bu ñu bëggé xam sen yeen récolte bi tañ la ak tañ la ki bi di ñëw sa'i bi manam ki nga xamne mom mo wara ñëw pour jël ci affaireu ajje ak topato affaireu ki bi azakay la bëgg wax wa ci me ci bay bi ko calendrier solaire bi lañu bayyi xel parce que mom ci lañu mëna naté xamni par exemple mois de mai wala 21 mai environ manam ci le li di am ci lay xay bañu mëna ñëw xol voilà jiw bi et cetera donc ndax affaire yi nan la wara tollu après ñu mëna nat azaka bi par rapport parce que azaka bobu saay bu ñëwé moy le délégué bi nga xamantene mom la gouvernement bi di yonne mom bu ñëwé day mëna xol day mëna def à peu près mesurer à peu près da né toll bi ni la tollu da di mëna xam ni mu toll ndax xam na ni fofu wéssu na manam xam na ni fi moment bi wéssu na fu toll bi yaqo parce que amna en fait amna fu toll di tollu day wéssu fu mu yaqo mais lool ci calendrier solaire bi lañ koy xamé ndax nonu la saison yi nonu la teddo manam si selon jant bi le teddo saison yi moy 4 saison yi ñu xam voilà et puis selon yeen rew yi saison yi day changer et cetera comme ñun hein voilà ñun période de pluie lañ xam ak hiver ak saison sèche ak période de pluie ak hivernage voilà légui kon lool mu moy ben bi nga xamantene dañ koy baye xel benen bi ci dess nga xamantene ci saison yi lañu baye xel moy jigen jo xamantene dafa ñew ne jëkkeer ji masalan jëkkeer ji du goor voilà ni jëkkeer ji dal du goor légui ñu wara atté manam du ko wax rek ñu gëm ko japp non deul dañ koy bayyi bas année solaire yépp jall manam période manam saison yépp jall wa mais selon le calendrier solaire pourquoi parce que mom selon ni mu mel c'est-à-dire que selon mën na nek na physionomie wo manam selon ni mu mel day am période yo xamantene manam du mëna du nek goor ak yenen période bi maintenant bu 4 saisons yépp jallé té vraiment ñu gis né effectivement parce que mom mënna bañ manam lool moy su condition waaji né non ndaw ci waxu deug c'est que période bi mo démé ni nangam mais notion bañ nek goor wa est ce que wu jarum nga lénal ko définir ko parce que xam nga amna ñi nga xamantene am manam question de c'est une semence bi mo baxul voilà mais c'est pas parce que wala lo moy bañ nek de du stérilité bi def non du stérilité bi mo na impuissance voilà c'est à dire que voilà et que donc mom mu ne non lolou bu boba juge bi day bayyi saison yep dial te bu boba ci wer ci jant bi dañ koy bayyi xel mais kenn du ko bayyi xel ci wer bi kon xam nga day xaar at buñ ko appara at mais lolou am na aussi ça dépend saison yi waaw lolou mën na nek xam nga tay par exemple amna amna ño xamantene par exemple bu sedd bi joté duñu mëna sawar wala wala wala wala et cetera wala wala nek dañ ko vérifier wa effectivement wa ñu dafa problème légui soxna ci ko soxna ci mëna ñaan batam ngir lool manam lool raison bu valable la pour juge mëna atté divorce mën ko mën ko voilà wala ala kul hal kon lolou de nga kon lolou mom moy ki biñu defam nu tuddu parenthèse biñu defam voilà legui kon jour bobu jour xeyba ci lañu teureul bokku na ci atté yoy bokku na ci luñ ci teureul bokku na ci atté yi nga xamantene teureul nañ ko jour xeyba inshallah suñu yexé ci ñu yeggale kon ci histoire Sayyidat Safiya bi radiyallahu anha bimu ñewé né kan mo la def ni mu né Ibn Huqayq ah les si par exemple si une femme qui est malade et qui ne voit pas ses règles donc elle attend quand même 3 mois ouais voilà 3 mois lay xaar ko ku mënul gis règle 3 mois lay xaar ci anda voilà légui amna benen affaire parce que règle aussi il faut ñu bayyi xel lool xam nga leg leg amna jigeen ño xamantene dañuy tok règle dañuy tok 6 mois duñu gis règle dañ tok 6 mois du gis règle ça dire que ñom amuñu période bo xamantene dañ nan période bi précise la ci lañu gis règle amuñu ko amna ño xamantene mën nañ tok at duñu gis règle après ñu gisat règle yépp day am ay cas yu rare la am ño xamantene sen règle da fay alterner de manière bu impressionnante manam dañu gis règle 1 mois leg ñu tok manam wër bo xamantene danaka wër bi yépp dañu gis ko mbeur après ñu tok lu yag duñu gisat règle ñu ñëwaat di gisat voilà et cetera donc yoy yépp ay ki la motax xam atay mbeur gi xam atay mbeur gi ak li ci aju ak surtout perturbation yi nga xamantene mo ci mëna juddo ak nan lañ leen di xaméwé xam nga budé jigéen yu normal lolu amul problème souvent du am problème voilà du am problème parce que lolu xam nañ ko ni la démé ñaari cadre figure wala ñett la mënu ko wéxu et puis mu jeex ñu xam atté mu jeex mais leg parfois leg am jigéen yu la laacc yenn question yi day xamné ki bo moytul tok na période bu mu waron julli wuko parce que nimuy laje question bi da ngay comprendre que ni mom comprendre kagn la waron julli ak kagn la waru jull parfois aussi nga gis ko xamantene d'ailleurs même ci jigen ñu normal lay wax même jigen ñu normal da nga ci gis ko xamantene da nan la dafa tok par exemple way dama tok ba 17h gisuma sama règle non wala règle arrêtée bon voilà fek timis 17h30 la timis 17h30 la mom règle arrêtée la complètement jamonoy à 17h mais kokou non dafa wara julli ci soir ak takusan dafa wara julli ci soir ak takusan ah oui hein genn guñ ci daruré ci soir bi kok da horo julli wala lañ nga gis ko xamantene comme ni dañu hein comme fajar gi la tamit manam fajar gi xaragul règle yi jeexna mais leen nga gis ci ñoo xamne dañ na naxar naxar naxar bu timis jor ma dogo sangu julli manam alors que non mo wa bobu la ko wara julli manam jaagne ay julli yu bari ñi koy recc et cetera manam règle yi manam acte voilà règle yi aju ci règle règle yi aju ci règle dañ ko wara xam voilà voilà voilà muy goor ni muy jigen ni mais surtout jigen ni et que souvent ñom duñ koy di faral de laaj du bon ñen yi nañ koy laaj mais duñ koy faral de laaj goor ni jigen ni lañ koy faral de laaj donc jigen ni tam dañ ko wara xam maîtriser ko bu baaxa baaxa baaxa baax ay acte lu yo xamantene ba pare li ci subtil dafa bari voilà motax sey ki imam ahmad rahimahullah neena makasku fil khayd 9 sinina hatta atqantaha tokna 9 ans di jang règle affaireu mbeur 9 ans ma diko jang ba nga xamanteni legui dama ko maîtriser mais complètement voilà ay acte la ay mbir la yo xamanteni yu bare la surtout ñi nga xamantene moy mustahaba lay manam ñi nga xamantene boromi ki lañu ay boromi jorgel lañ ñi nga xamne dañ am jorgel ñoñu ñoo gëna metti le ñoñu ñoo gëna compliqué hein jorgel moy règle perturbée wala prolongée ñoñu ñoo gëna graw la ñoo gëna metti le cas de figure yi nga xamantene ñom ñoo ci mëna am dañoo bari. Il faut que nous sachions la façon dont nous savons, c'est qu'elle nous sait. Quelle façon est directe que nous savons, c'est qu'elle nous voit, c'est qu'elle nous voit, tout le monde. Hein? Ouais, mais le problème est que, tu sais, si tu as dit qu'il y a 15 jours ou qu'il y a 15 jours, c'est simple. Mais, affaire, imaginez qu'il y a 15 jours, même façon de dire qu'il y a même façon bi amul différence ni ci couleur bi ni ci épaisseur bi ni ci xet bi ni ci méthode bi hein ni ci bëri way bi wala touti way bi ni ci rapidité ou coagulation bi amul différence gisuko koku nan lay def c'est à dire te pourtant mi ngi koy gis 16 jours 20 jours koku numuy def wala ki nga xamantene day gis mom xamna ni moment yi li mo koy dal mais amna benen moment bu li manam wala mu dem ba fatiku mu nek ci perturbation bo xamna dafa fatte exactement adam amon na adam mais dako fatte et cetera amna nak ño xamantene par exemple ñom xamnañu ne li ñi gis ko ñom amuñu aade de toute façon mais il faut que ñu am lu ñu tuddé tamyiz manam mu nek mu mayiza manam muy mëna xamé di ragné voilà mu mëna ragné di mëna xamé ba nga xamantene et cetera manam dafa bari ay subtilité gis nga xey mbeureuk bokku na ci ëpp subtilité d'ailleurs bok point la bo xamantene yakarna moy point bi gëna difficile ci fi ah voilà parce que beuri na goor ñoo xamantene effectivement jaamuñu ko bayiwuñ ko xel te jigeen ñi dañ ko sagane mais aussi c'est parce que dafa beuri ay cas de figure lool mo motax te ñu beuri xamuñu règle xamuñu nan lañuy docto affaire xamuñu nan lañuy tekke règle yi nga xamantene ci lay mëna xaméwé kagn voilà kagn la parce que mbeureuk té attention mbeureuk li ci adu ci ay xéti até dafa bari amna dina accélérer document bi inshallah amna ben ki buma ci bind wa amna wa señ goor mak daf ko tapé won mais man dama ko don jëlat corriger wat ko et puis d'ailleurs avancé won na ci sax pour ki wat ko quoi mettre ko dans un ordre préciser ko yok ci yenn précision ak éclaircissement wa amna ci wa amna fiance ndu mais dama bëgg mu gëna voilà mu nekk ben un document corsé mais dafa bëri dafa bëri yakarna warna yegg 200 300 pages juste sur voilà c'est sûr voilà mais c'est sûr sûr si lepp c'est sûr sûr sûr mbeur ah Non, jango alquran da ci aju aji mat manam tawaf kaaba gi da ci aju lan duggu jak da ci aju sangu sek ak japp dañ ci aju hein wa werde wa werde wala wala mais lolu après la lolu instant yoy dañ ci aju legui bo ñewé manam fasé da ci aju parce que kenn ku am mbeur kenn du ko fasé manam jam voilà jamono def dedet talaq bi day la tud lol lan wa parce que c'est normal jamono xolal subhanallah non non tak jabar anke mais munu par exemple do meuna jotté ak mom bu amé mbeureug wa jamono dum am mbeureug mom c'est bo buñ la ko maye nga baye ko keur baye parce que mo fi jam voilà et cetera donc voilà donc beurina ay acte yo xamantene dañ ci aju hein voilà ak tamit li aju ci walu fay gi manam fay julli gi ak fay koor gi ba pare edde yi dañ ci aju moy comme niñ ko gisse sank edde yi da ci aju ba pare benen amna majorité daf ci aju manam puberté daf ci aju ak yeneen acte yo xamanteni yépp dañ ci aju dañu aju ci mbeur donc lu mel nonu lu tollu nonu kenn waru ko négliger warnu ko négliger ba paré aussi dañ ko wara xam maintenant comme dafa jaxé xam parce que en fait borom xam yi maîtriser ba go gis nga xey bi borom xam yi ko maîtriser ñoy ñi manam ñi gëna fort ci ñom ñoko man manam ñoko maîtriser ñi ñu yamamaay mo di maîtriser wu parce que dafa compliqué ba paré dafa bëri ay subtilité ba paré dafa bëri ay nos ay ay expression ay terminologie dafa beuri ay cas de figure voilà dafa beuri ba pare dafa beuri amna tamit ño xamantene cas de figure yo xamantene comme ku demé nek muhayyira bi han wala dañ koy wax mutahayyira moy ko xamantene dafa eulum xelu borom xamé ku non lañ ko tuddé sax muhayyira al muhayyira voilà wala mutahayyira parce que mom ci bopam dafa eulumou manam xel mi ci bopam manam étourdi elle est étourdi voilà tout simplement dafa jaxlé parce que tout simplement manatu la xam lan mo xew ci ay mbirum manatu ko xam voilà ak yeneen ak non mais cas de figure yi daño bari ak li ci addu ci jaamu yalla dafa bari ba paré li ci aju ci façon manam yeen il faut nga mëna xam yeen façon dérèt lañuy def lañ mëna konté mbeureuk ak yeen lañ mënu konté mbeureuk ak kañ parce que amna lo xamantene ci astu mbeureuk la mais ci faatu du mbeureuk té même dérèt bi la claw ay cadre figure yu bari la aju non mo il faut pas négliger ce point chef bi koné wu manam yow nan ngay mëna def différence entre far ak astu nan nga lendi mëna à travers question yu nga lendi pose voilà à travers question bi à travers question yi rek à travers question yi lolo tax première question bi nga xam do dafa wara automatique ci kep ku tontu ben question bu aju ci mbeureuk moy est-ce que am nga ada la première question moy lolo est-ce que am nga ada voilà cycle ba pare est-ce que xam nga ce cycle lan la parce que attention cycle yi dañu wouté leg leg nga gis ko xamantene cycle ki la voilà 28 la nga gis ko xamne cycle 26 jours la Voilà. Mom non la ko topé 4 5 2 mom non lay gissé koku tamit il faut mu meuna tak règle bobu mu xamné mom ni li moy règle mom ni lay gissé adam li la moy ren mois bi 4 la giss benen mois bi kon je m'attend à que me giss 5 benen mois bi je m'attendrai à que me giss 2 voilà tout simplement les frères du chat les papa voilà ba bare il faut que mo xam tamit ban jamono moy bi nga xamantene su ko gisul xam na ni li mu gis legui manam ben jamono bo xamantene su ci gisse règle su ci gisse affaire direct day xam ni li ma gis du direct du mbeureuk li ma gis mo du mbeureuk ba bare il faut muy xam di ragné aussi il faut que muy xam di ragné tamit li nga xamantene mom moy kagn la wa bah non c'est bon voilà donc il faut que mu meuna ragné amna notion yu bari yo xamné war nako ragné voilà amna notion yu bari yo xamné war nako ragné amna ñoo xamantene par exemple amuñu ado du tout jamais ñu gis la même chose le même moment voilà ba paré aussi il faut mu xamé kagn lañ mëna wax né fim tollu mbeur bi jeexna dekk amna ñoo xamantene façon ñoom mi ñu gisé règle moy dina am 5 jours ga wala 7 jours souvent ñu upp ci jigen ñi 7 wala 6 jours lañu gis lol mo amna ñuy dem ba 11 12 mais bariwul ñuy wéx 11 bariwul 15 c'est rare nit nga gis jigen du fa yegg voilà mais lolou leg amna ño xamantene niñ koy gissé moy dañuy gis légui règle légui am dañuy gis tay gannaawatu bu ñu gis et cetera ñoy ñep il faut ñu xamé nan lañuy doxale ci biir yoy yep wala lolou tamit benen masala la bo xamantene borom xoxam ni dañ ci xëccoo bu metté est-ce que lolou ñu gis règle la wala du règle waaw lolou moy problème su fekkante da nga japp ne règle la suñ jappé na ko ko ko xaw maliki rahmatullah ak shafi ñom ñoy japp ne lolou règle la tuddu wala alors que ñeneen ñi ci def dañ japp ne non lolou tuddu règle du la té règle mais tout dépend parce que su fekkante né mais ñom dañ japp né règle la bon même ko xaw maliki rahmatullah rek dañ japp né affaire bobu day durer 15 jours japp 20 jours manam kon règle bobu non li ci gëna tuti moy dana dem ba 20 jours benen bi ci dess moy mëna dem ba 30 jours buñu gëlé dem par exemple bu déme ba 6 mois djégé ci day dem ba 30 jours règle bobu mëna dem ba 30 jours alors que normalement dans normal règle 15 jours la règle 15 jours la mëna gëna bëri et que d'ailleurs nit ki jigen ji d'ailleurs amna benen problème moy ni ñu wax intiqalu ada moy man dama am ada bo xamné né 5 jours kessé la dama gis ma jéki commencé gis 7 jours wala ma dama gis 7 jours ma jéki gis 4 jours yoy yep dafa am ay yoy yep ay ki la ay subtilité la yo xamantene daf ci am te il faut ñu xam ko ak acte yi nga xamne ñom ñoy ci aju yep tout ce qui tourne autour voilà tout ce qui tourne autour voilà yoy yep il faut que ñu xam ko motax il faut voilà parce que amna benen affaire bu am tamit moy juste avant nit ki di jour dom manam un jour avant leg amna ño xamanteni un jour avant dañuy gis règle voilà un jour et demi avant voilà amna da donc ay ki la ay cadre figure la yo xamne cadre figure la yu bari yo xamantene te parfois beuri na ci jigeen yo xamne buñ ci tombé dañuy jaxlé complètement duñu xam luñu def seen borom keur bu len mënul dimbali problème day am ça c'est des perturbations hein parce que goor ki du gëm mais ko fangé et ça se prolonge comme ça c'est bizarre hein c'est vrai parce que mais médecin ñun dañuy wax né lolu peut-être ay saignement la wala ci mo toucher mo ci voilà c'est à dire que lolu mom motax lolu mo gëna deugar moy que ni mom la xanafi japp ak xana bi né rahmatullah ci japp né effectivement que ni règle lolu du règle liñuy gis nonu du règle ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax né yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bimu wacce soxna ci fekk gisul fekk muy gis regal mu mer yent bi dafa mer jour bob ne dess dañuy foye diine yalla ju fekk ma ngi dund est-ce que demal mune demal nga wax mu wax sayyidina Umar radiyallahu anhu ko demal nga ne ko nako bayyi bam gis regalam setat bu ba setat bu mu gissat ko setat su ko nexé nak mu daal koy fassé su ko nexé mu tii lool moy edda bi alquran li yalla wax alquran wax té gis gogou muy wax nan da koy gis mu ne ko teyé ko mu ne ko amsikha hatta tatfur aw tahmil teyé ko teul ndaw si ba mu am ba mu set manam ba mu set ci mbeur gi nga dox ko fasé wala ba mu ëmb suñu xolé lolu le fait que mu ne ko teyé ko ba mu set wala mu ëmb mo lay wone ko ëmb du sénégal mi ngi melni xolal mi ngi melni tay exemple bu ma joxone benn bi señ Omar bu ci waxtan man koy fateliko sa fait 5 ans même ñi ngi and dem jakkaji mi ñuy waxtan ci question bobu mom dafa jappone ni que ni non mais peut-être que limi gis mën na nek règle légui mako joxe exemple bi mako joxe dama ne ko légui ben étudiant su démé ci agence d'intérim bi ñu ne ko étudiant nga mu ne waw ñu lako yow étudiant nga kenn mënu la embaucher mais demal ba weekend wala nga am vacances est ce day tekki ne même moment bi nga xamantene amna vac manam lan motax mu ne ko demal ba est ce que le fait que mu nek vacances day dindi statut dedet mais c'est parce que moment bobu du jam maniko moment bu ne ko c'est parce que duma jagi maniko exactement yeen bi sallalahu alayhi wasallam bi mu ne demal ba nga la demal nga teyé ndaw ci bamou lap ci règle wala mu ëmb moy wané ni ëmb bi day tax du gis règle lénen la mé du règle voilà et puis ëmb bi en fait d'ailleurs cycle bi règle ci bopam likoy jur man li tax ñuy gis règle lool mënul and ak nit ki ëmb ba paré continuer di gis règle cycle bi wala dafa incompatible wala donc bon ala ku de halin wala bëgg nañu jëneen parenthèse parenthèse dara bi ñu inshallah ñu yegg rek wala wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين